Le vase de larmes. Il y avait une fois une bonne et tendre veuve qui était la mère d'une gentille petite fille. Elle aimait cette fille par-dessus tout. Elle ne pouvait une seule minute s'en séparer. Et voilà que tout à coup la douce enfant tombe malade, dépérit et meurt. En la perdant, sa mère, qui l'avait veillée jour et nuit sans céder un instant à la fatigue, se sentit saisie d'une douleur inexprimable. Elle ne voulait plus prendre aucune nourriture, et sans cesse elle pleurait et se lamentait. Un soir, comme elle était affaissée dans son désespoir, à l'endroit même où son enfant avait rendu le dernier soupir, la porte de la chambre s'ouvrit et elle vit apparaître sa chère petite morte avec un regard et un sourire d'ange. Elle portait à la main un vase rempli jusqu'au bord et elle dit « Oh, ma bonne mère, ne pleure plus ainsi. Vois, l'ange du deuil a recueilli tes larmes et les a mises dans ce vase. Si tu pleures encore, il débordera. Tes pleurs couleront sur moi et troubleront mon repos dans la tombe, mon bonheur dans le ciel. » La petite fille alors disparut. La mère se calma et cessa de pleurer pour ne plus l'affliger dans sa joie céleste.